d'un voyou, ceux qui s'en mettent plein les fous. Souvent dans les beaux quartiers, certaines personnes en ont la trouille. C'est un bon gars, parfois bandit. Ne crois pas trop les ondits. Je vis comme au paradis, quand d'autres le maudissent. J'emmerde Bonnie and Clyde. J'suis plus Johnny Penelope. M'appelle Jolie Canne, apporte le monde à mes pieds. Pour lui, je me mettrai une balle. Il m'appelle Jolie Canne, apporte le monde à mes pieds. Pour lui, je me mettrai une balle. J'ai toujours préféré les silencieux, ceux qu'on dise peu, ceux qui lisent dans les yeux. Je les connais comme les vivants. Et si c'est pas nous, c'est pas eux. Dans tous mes voeux, il n'y a que toi. Il est le même que dans mes rêves. C'est avec lui que je m'en irai. Donne-moi de quoi nous enivrer. On peut tout faire, même se les faire. Mes mots de cœur, tu les fais taire. J'aime ta force et ta douceur. Des sacrés phénomènes, on est les mêmes. De fou dans le van, du vin dans le var. J'irai où tu m'emmènes. J'irai où tu m'emmènes. T'as balayé mes peines, plus rien n'est ébène. Moi dans tes bras, beaucoup dans tes draps. Je t'aime. Il m'appelle Jolie Canne, apporte le monde à mes pieds. Pour lui je me mettrai une balle. Il m'appelle Jolie Canne, apporte le monde à mes pieds.